Nous sommes de retour à l'antenne de Prendre la Chine par son histoire et nous poursuivons notre histoire de la Chine à dos de tortue. Alors que nous parlions juste avant la pause de la situation en Chine durant la Première Guerre mondiale, avec notamment les 21 demandes qui avaient été imposées par le Japon. Malgré le fait que la Chine n'était pas vraiment en mesure de résister face aux demandes du Japon, il faut voir que la Chine n'était pas seulement passive pendant la Première Guerre, alors que le désir d'internationalisation y était très présent au sein de l'élite intellectuelle et politique. L'ouverture sur le monde était en fait une caractéristique importante depuis le mouvement de modernisation du 19e siècle, et la plupart des intellectuels chinois ainsi que de nombreux acteurs politiques étaient conscients des enjeux majeurs qui se jouaient ailleurs sur la planète. À cet égard, nombreux étaient ceux qui étaient convaincus que l'avenir du monde moderne était en train de se jouer dans cette guerre mondiale, et plusieurs parmi ceux-ci militaient activement pour une implication plus grande de la Chine dans le conflit. C'est ainsi qu'en 1915, Liang Shiyi a déposé un projet qui proposait d'envoyer en Europe des travailleurs à la place des soldats, Yigong Taiping, ce qui permettrait à la Chine de s'impliquer dans le conflit mondial tout en respectant la neutralité énoncée par le pays. La guerre évoluait et à partir de l'été 1916, les besoins en termes de main-d'œuvre auxiliaire augmentèrent considérablement pour les puissances alliées en Europe, notamment après la bataille de la Somme qui s'avéra excessivement meurtrière avec plus de 340 000 blessés et plus de 250 000 morts pour la France et l'Angleterre. C'est ainsi que les Alliés firent appel aux femmes et aux travailleurs coloniaux pour venir compenser le besoin accru de soldats au front, ce qui créait un manque de personnel pour travailler dans les usines et dans les champs. Et c'est dans ce contexte que le programme des travailleurs chinois à la place des soldats fut mis à contribution à partir de l'été 1916. Alors qu'un premier contingent de 5000 travailleurs quitta le port de Tianjin en direction de la France, puis en janvier 1917, ce fut un premier contingent de 1083 travailleurs qui quittèrent la Chine, mais cette fois en direction de l'Angleterre. Au total, ce furent plus de 150 000 travailleurs chinois qui se rendirent en Europe pour contribuer à l'effort de guerre des Alliés pendant la durée de la Première Guerre mondiale. Sur le lot, aucun Chinois ne prit les armes, mais ils furent mobilisés à différents endroits pour la construction de routes, pour creuser des tranchées, pour travailler dans les champs, les forêts, les ports, les ateliers, etc. Sur le total, il y eut environ 2000 morts parmi tous les travailleurs chinois ainsi mobilisés, et plusieurs de ceux-ci ont été enterrés en France dans le cimetière de la ville de Nolette et celui de la ville d'Asque. Revenant à la situation en Chine pendant la guerre, nombreux sont ceux qui trouvaient que l'envoi de travailleurs n'était pas suffisant et plusieurs voulaient une participation plus grande du pays. Et ils militaient donc pour une implication active et soutenue de la Chine dans l'effort de guerre. C'est ainsi que des articles de journaux et de revues se multipliaient, mettant en valeur l'importance de la guerre comme pivot sur lequel le monde moderne était en train de se construire. Cependant, la question de savoir de quel côté s'impliquer et prendre position dans la guerre n'était pas si évidente à répondre. Alors que plusieurs penseurs influents, à commencer par Chen Tuxiu, admiraient la modernisation et la culture militariste de l'Allemagne. Par ailleurs, certains refusaient complètement l'idée d'un engagement militaire qui serait allé à l'encontre d'une tradition de pacifisme qui était très répandue en Chine. Mais en 1917, tout changea avec Woodrow Wilson et l'entrée en guerre des États-Unis. Wilson avait alors comme projet la création de la Société des Nations et il demanda au monde entier de le suivre dans son effort de guerre. Wilson énonça ses 14 points, qui incluaient notamment le soutien aux nations plus faibles, l'autonomie des peuples et le respect de l'intégralité des territoires. De manière plus spécifique, selon la logique de la proposition de Wilson, si la Chine embarquait dans l'effort de guerre, elle pouvait aussi espérer voir la suppression de l'indemnité des boxeurs qu'elle continuait encore à payer à l'époque. Pour la Chine, il s'agissait d'un espoir inespéré de pouvoir participer aux négociations de paix, retrouver ses territoires et renégocier certains des traités inégaux. Et c'est ainsi que la Chine décida de répondre positivement à l'appel de Woodrow Wilson en déclarant officiellement la guerre à l'Allemagne le 14 août 1917. Et c'est avec l'entrée en guerre de la Chine dans le camp des Alliés que nous commençons maintenant le quatrième point de ce 12e chapitre intitulé « Le mouvement du 4 mai 1919 ». Ce qu'on appelle le mouvement du 4 mai fait d'abord référence à un événement, mais c'est surtout un concept central dans l'histoire de la Chine contemporaine, et c'est même l'un des concepts parmi ceux ayant eu le plus d'impact sur les mentalités tout au long du 20e siècle. Il existe de nombreux débats parmi les historiens, autant en Chine qu'à l'étranger, sur la signification historique de ce mouvement. Autant pour ce qui est de l'interprétation de la nature du mouvement en tant que tel, que l'interprétation de sa portée historique et de la mémoire que l'on s'en fait aujourd'hui. On s'interroge par exemple sur l'importance du mouvement du 4 mai, autant au niveau culturel, politique et scientifique, alors que certains parlent d'un moment fondateur pour la culture chinoise. Et que d'autres mettent plutôt l'accent sur davantage sur la rupture qu'il représente avec le passé. On le nomme parfois mouvement de modernisation, renaissance ou même encore mouvement des lumières chinoises, mais quoi qu'il en soit des épithètes choisies, une chose est certaine, c'est au cœur de la période du mouvement du 4 mai que prirent leur essor les fondements du nationalisme et du patriotisme chinois contemporain. Pour bien comprendre toutes les implications du mouvement du 4 mai 1919, on doit d'abord distinguer ce que certains historiens chinois nomment le Grand 4 mai, Taousi, et le Petit 4 mai, Xiaousi. Pour résumer les choses simplement, on peut dire que le petit 4 mai correspond à une marche de protestation de 3000 étudiants de la ville de Pékin le 4 mai 1919 suite à la promulgation du traité de Versailles. Et le grand 4 mai correspond à un vaste moment de remise en question culturelle et politique qu'on décrit parfois comme la Renaissance chinoise. Un mouvement qui se situe grosso modo entre 1915 et 1925. Commençons d'abord par le petit mouvement du 4 mai. Si on revient brièvement au contexte de la Première Guerre mondiale, on a vu que, pour la plupart des puissances occidentales, l'intérêt pour la Chine avait profondément diminué alors que celle-ci était occupée par la guerre en Europe et qu'elle s'intéressait principalement à l'aspect économique de la Chine et très peu à la survie de sa dimension politique. On a surtout vu que les puissances européennes avaient déserté l'Asie pendant la Première Guerre et c'est ainsi que le Japon avait profité de ce vide pour imposer à la Chine vulnérable ses 21 demandes en 1915. Or, puisque les 21 demandes du Japon allaient à l'encontre de la politique de la porte ouverte américaine, les États-Unis avaient tenté de négocier à la baisse l'appétit de conquête du Japon sur la Chine. Des négociations qui résultèrent dans la promulgation des accords qu'on appelle de Lansing-Ishii en 1917, signés entre les États-Unis et le Japon. Alors que les États-Unis se vantaient dans cet accord d'y avoir fait respecter l'intégrité territoriale de la Chine, le Japon y voyait plutôt la reconnaissance d'un genre de doctrine Monroe, une doctrine asiatique favorable au Japon qui concédait en quelque sorte des droits spéciaux au Japon sur le continent asiatique. C'est ainsi que, revenant à la proposition américaine pour l'entrée en guerre, les attentes de la Chine étaient immenses face à la proposition de Woodrow Wilson quant à la création d'une société des nations. Et c'est pourquoi la déclaration de guerre de la Chine contre l'Allemagne en 1917 fit monter les attentes de manière considérable dans la population. En novembre 1918, lorsque la guerre prit fin, le gouvernement décréta 3 jours de congé national. C'était l'euphorie totale dans la population dans de nombreuses villes. Les populations étaient en liesse et les attentes étaient alors démesurées quant à ce qu'on obtiendrait. La Chine envoya une délégation de diplomates pour participer aux négociations de Versailles et on espérait minimalement voir le retour de la province du Shandong à la Chine, alors que celle-ci était occupée par le Japon qui venait d'en chasser les Allemands au tout début de cette guerre mondiale. La délégation chinoise espérait aussi profiter de ces négociations pour faire annuler les 21 demandes du Japon qui, disait-on, avaient été acceptées en 1915 sous la contrainte militaire. Et certains parmi les plus optimistes allèrent même jusqu'à espérer l'annulation pure et simple de tous les traités inégaux qui pesaient encore très lourd sur la Chine. Mais pourtant, la délégation chinoise fut accueillie à Versailles avec une douche froide, alors qu'on mit rapidement sur la table des traités qui avaient été signés en secret par le Japon avec la France et l'Angleterre en 1917. Ces documents stipulaient que, en échange de la protection de leurs intérêts en Asie pendant la guerre, les deux pays européens s'étaient alors engagés à appuyer la demande du Japon qui voulait conserver la province chinoise du Shandong. Comble de cynisme, le successeur de Yuan Shikai à la tête de la République de Chine, Tran Chih-re, avait lui-même consenti un engagement similaire avec le Japon en 1918 en retour d'une importante compensation financière. Abandonnés par les Alliés et par leur propre président, les espoirs de la délégation chinoise reposaient donc uniquement sur la promesse faite par Woodrow Wilson lorsqu'il avait demandé aux nations du monde de le suivre dans sa déclaration de guerre, promettant la création de la Société des Nations, qui aurait notamment eu pour mandat le respect de l'intégrité territoriale et la défense des nations faibles contre la rapacité des puissances impérialistes. Mais pourtant, pour sauver son projet de la création d'une Société des Nations, et surtout pour convaincre le Japon d'y prendre part et d'y adhérer pleinement, Wilson accepta de reconnaître, lui aussi, à la suite de la France et de l'Angleterre, la légitimité de l'occupation japonaise de la province du Shandong située dans l'est de la Chine. Les réactions face à la décision de Woodrow Wilson d'accorder la province chinoise du Shandong au Japon ont été virulentes autant aux États-Unis qu'en Chine. D'abord, du côté des États-Unis, le ministre américain des Affaires chinoises de l'époque, Paul Ranch, démissionna de son poste en signe de protestation et de nombreuses critiques fusèrent de toutes parts dans les journaux à travers le pays. Certains condamnèrent alors la trahison de principe que cette décision représentait, alors que le sénateur Poindexter parlait carrément de mascarade, d'hypocrisie et même d'une violation des principes de la Société des Nations qu'on voulait ainsi voir naître. À l'inverse, d'autres y voyaient par contre le compromis le plus juste possible, puisque la création de la Société des Nations n'aurait eu aucun sens à l'époque si le Japon n'avait pas accepté de rejoindre le mouvement. Comble de l'ironie de l'histoire, il est important de ne jamais oublier ici que les États-Unis eux-mêmes n'ont jamais fait partie de la Société des Nations, alors que le Sénat américain a refusé systématiquement de ratifier le traité de Versailles en tant que tel. Pour ce qui est de la réaction en Chine, suite à la promulgation du traité de Versailles, celle-ci fut virulente et elle s'organisa d'abord par une importante marche de protestation de 3000 étudiants de la ville de Pékin le 4 mai 1919. Alors qu'ils marchaient devant la cité interdite pour se rendre jusqu'aux légations étrangères, lançant un appel à la mobilisation générale et criant des slogans du genre « Il faut sauver le pays !» La manifestation de rage entraîna des heurts et des conflits entre les étudiants et les gardes et les milices étrangères situées dans la capitale. Les étudiants en colère ont notamment brûlé la maison du ministre des Communications de la Chine, un dénommé Cao Zhulin, qu'ils accusaient alors d'être à la solde des Japonais. Cette attaque contre la maison du ministre a fait ressurgir un thème qui aura une importance capitale tout au long du 20e siècle, soit le fait que la trahison de l'intérieur était plus grave encore que l'agression subie par l'étranger. Quand on l'observe à court terme, la marche de protestation des étudiants, ce qu'on appelle le « petit 4 mai », a entraîné un effet boule de neige immédiat, alors que des marches de protestation similaires se sont organisées spontanément, en signe d'appui, dans plusieurs autres villes chinoises. Ces mobilisations, qu'on pourrait dire sympathiques à la cause des étudiants mobilisés à Pékin, impliquait certes des étudiants des autres villes, mais aussi des marchands, des ouvriers, ainsi que des hommes d'affaires. Il y eut même quelques grèves en appui à la mobilisation dans une quarantaine d'usines, impliquant un total d'environ 60 000 ouvriers. Mais par contre, malgré l'importance à court terme de l'événement, l'impact du petit 4 mai en tant que tel fut relativement limité et la mobilisation s'essouffla rapidement d'elle-même. En fait, c'est surtout du côté du grand 4 mai qu'il faut regarder pour apprécier toute l'étendue des changements qui se dessinaient alors en Chine, et c'est au cœur du grand 4 mai que prirent forme les germes de la révolution à venir. Mais on s'arrête ici pour cette semaine et nous reprendrons la suite de ce récit la semaine prochaine. Nous allons terminer en musique aujourd'hui en revenant avec l'idée générale du printemps et du renouveau qu'il représente. Et pour ce faire, quoi de mieux que de rendre à César les lauriers qui lui reviennent? En revenant aux bases du rock'n'roll, avec celui qui a marqué toute une génération de musiciens qui l'ont suivi. Le printemps, disions-nous, c'est la saison des nouveaux départs et des nouvelles occasions, voire la saison d'un amour qui renaît parce qu'on l'aurait enfin sorti des boulamites. Et pour pouvoir en profiter pleinement, Il faut savoir être prêt à saisir l'occasion lorsqu'elle se présente. On termine donc cette émission avec « Tu Étienne » et une chanson de son, tirée de son album paru en 1991. La chanson s'intitule « Toti Fenze », ce qui signifie justement « opportuniste ». Alors, face à toutes les nouvelles opportunités que le printemps amène avec lui, c'est une chanson qui nous encourage à être opportuniste et à saisir les occasions, comme le destin lorsqu'il frappe à notre porte, comme dirait Beethoven ou encore Eminem, et ne pas hésiter à mordre à pleines dents dans ces nouvelles possibilités que la vie nous offre. Voici donc, pour célébrer la venue du printemps, la chanson « Toti Fenze » interprétée par Tu Étienne. Mon nom est Carl Derry, je vous dis à la semaine prochaine. Woman, xia zi zai tien ba. Oh. 还是生活就应该突然，反正世界已经从新开始，就不再够混乱。